Mag. Toute l'actu en Touraine sur Radioactive. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Mag sur Radioactive. Aujourd'hui, on vous emmène du côté du France Service de la communauté de communes du Val d'Amboise à l'occasion de ses portes ouvertes cette semaine. Pour en parler, on retrouve Lucie Fouché, responsable du France Service, qui va nous détailler le programme de ces journées, les animations et les rencontres proposées. Mais avant cela, petit rappel, qu'est-ce que France Service exactement ? Eh bien, France Service, c'est un lieu d'accueil de proximité gratuit, pensé pour vous aider dans toutes vos démarches administratives du quotidien. Sur place, des agents France Service vous accompagnent pour trouver la réponse la plus adaptée à votre situation. Elles vous aident donc dans vos démarches administratives en ligne, que ces dernières soient liées à la retraite, à la CAF, la carte d'identité, le permis de conduire ou encore à France Travail. Et si vous préférez le faire vous-même, pas de souci, l'espace met à disposition des postes informatiques en libre service ainsi qu'une imprimante scanner. France Service est une compétence de la communauté de communes du Val d'Amboise et regroupe de nombreux services publics, CAF, CPAM, France Travail, La Poste, France Rénov, URSSAF, Assurance Retraite, Agence Nationale de l'Habitat ou encore un point justice. Bref, c'est un vrai guichet unique pour simplifier vos démarches. L'espace France Service se trouve 22 Place Richelieu à Amboise. Il est ouvert du lundi au vendredi avec des horaires étendus selon les jours. Et ce n'est pas tout, l'espace accueille également plusieurs structures partenaires. La mission locale Loire-Touraine, qui accompagne les jeunes de 16 à 25 ans dans leurs projets d'emploi, de formation ou encore de logement. Et puis le Pépite Lab, un atelier de création numérique pour apprendre, tester et fabriquer grâce à des outils comme l'imprimante 3D ou la brodeuse numérique. Le Pépite Lab propose chaque semaine des ateliers thématiques et des séances d'initiation pour découvrir le numérique autrement. Et justement, pour en savoir plus sur les portes ouvertes de cette semaine, les nouveautés et les animations prévues, on retrouve maintenant Lucie Fouché, responsable du France Service de la communauté de communes du Val d'Amboise. Je suis Lucie Fouché, responsable du France Service de la CCVA du Val d'Amboise. Alors, qu'est-ce que France Service, même si bien des auditeurs connaissent déjà évidemment le dispositif, mais son rôle, ses missions ? France Service, on est là et on accompagne les personnes dans toutes leurs démarches administratives numériques. Alors, vous mettez en place justement des portes ouvertes pour faire découvrir ce service au public. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver lors de ces portes ouvertes ? Ça se passe quand ? Ça se passe où ? On veut tout le détail, Lucie. Donc, nos portes ouvertes se passent la semaine prochaine, du 6 au 10 octobre. Et tous les jours, il y a des thèmes qui regroupent nos partenaires qui viennent nous voir, qui sont là. Donc, par exemple, lundi 6 octobre, on a autonomie et vieillissement avec entourage et le lien posséen. Nous avons la retraite le mercredi 8 octobre, le matin et l'après-midi pour des ateliers, surtout pour des raisons de service, des dépôts de retraite un petit peu particulières qui demandent des dossiers, des démarches un peu plus complètes. On a notre partenaire du CDAD, un juriste qui vient le matin du 9 octobre toute la matinée pour faire des consultations juridiques d'un quart d'heure. On retrouve à plusieurs reprises dans la semaine notre Pépite Lab qui est à côté où on peut faire une découverte de l'espace numérique, où il y a une sensibilisation sur les arnaques et la création de rubans 3D rose pour Octobre Rose. On a une permanence du dépistage pour le cancer qui est là tout le mercredi 8 octobre toute la matinée. Donc là, c'est sur rendez-vous. Habitat et logement de la CCVA, le service Habitat et la DIL, puis voilà. D'accord, un programme très dense finalement, vous êtes sur tous les thèmes. On va retrouver vraiment l'aide administrative, on va retrouver tout ce qui est démarches liées à l'emploi, même la santé, vous êtes sur tous les fronts. On est sur tous les fronts et sur tous les âges. On peut accompagner des personnes assez jeunes ou d'autres personnes un peu plus âgées sur toutes les démarches de la vie. Donc c'est des premières déclarations d'impôts, comme les créations des comptes Amélie, mon espace santé. Donc on accompagne vraiment jusqu'au bout, jusqu'au dépôt de retraite, la réversion. Donc, un peu moins sympa, mais on est toujours là avec eux. C'est quoi les demandes que vous avez le plus souvent à France Service ? C'est souvent pour la CEPAM, côté santé, puisqu'on a une permanence qui est là 3 jours semaine quand même. Donc beaucoup de personnes viennent nous voir donc pour mon espace santé, la création du compte Amélie, les problèmes sur les cartes vitales. C'est vraiment le thème qui revient très souvent à France Service. France Service, c'est gratuit, on vient, on prend rendez-vous, comment ça se passe ? Alors France Service Val d'Amboise, c'est sans rendez-vous. Les personnes viennent quand ils veulent, pendant les horaires d'ouverture. Pas besoin de prendre de rendez-vous, fournir un coup de papier. Les codes, surtout les codes pour tous les espaces personnels. Avoir possibilité d'avoir une boîte mail sur son téléphone ou les codes pour aller sur la boîte mail. Et puis oui, c'est gratuit parce que c'est un service de l'État qui a été mis en place pour aider les administrés dans leur démarche. Ça se trouve 22 Place Richelieu à Amboise, donc en plus on peut facilement se garer. Oui, le parking à Place Richelieu est gratuit, donc on peut se garer assez facilement. Et on fait des itinérances. Donc on vient dans les communes, on est sur 2025 à peu près une demi-journée tous les 5 semaines par commune, de la communauté de communes, sauf Possé et Amboise aujourd'hui. Et on espère avoir une itinérance un peu plus régulière pour 2026. C'est parfait. Quand est-ce qu'on peut retrouver les horaires où il y a l'itinérance dans les communes? Il y a un site qui regroupe tout ça? Alors pour chaque commune, les communes partagent sur leur site des mairies, sur les panneaux pockets de chaque mairie, on peut le retrouver. On a une insertion dans les bulletins municipaux également, sinon sur le site internet de la CCVA. D'accord. Du Val d'Amboise. Et puis à France Service, on donne les affiches et tous les horaires sont disponibles. Eh ben c'est parfait. Donc France Service, on le rappelle, 22 Place Richelieu, qui propose ses portes ouvertes du 6 au 10 octobre, de 9h30 à 16h, avec tout un programme bien rempli. Et sinon, quand ce n'est pas les portes ouvertes, c'est à peu près les mêmes créneaux sur lesquels on peut vous rencontrer? Oui, c'est de 9h30 jusqu'à 17h. Et il y a des midis comme le lundi, mardi et jeudi où on est fermé le midi. Très bien. Le mercredi, c'est en continu. Super, merci beaucoup Lucie. Merci, bonne journée. Merci et bonnes portes ouvertes à vous. Merci. Merci à Lucie Fouché pour toutes ces précisions et ce bel aperçu des portes ouvertes du France Service du Val d'Amboise. N'hésitez donc pas à pousser la porte du 22 Place Richelieu à Amboise pour découvrir le lieu, poser vos questions ou simplement échanger avec l'équipe. Pour rappel, vous pouvez retrouver toutes les infos pratiques sur le site de la communauté de communes du Val d'Amboise. Le MAG revient très vite sur Radioactive avec d'autres invités et d'autres initiatives locales. À très vite sur cette même antenne. Retrouvez le MAG et toutes vos émissions préférées sur radioactivefm.fr.